autre planète. Mes chansons s'envolent par la fenêtre. Moi, j'invente des villes et je les peins en bleu. Je croise une fille, j'en tombe amoureux. Je rêve, et c'est demain qu'on se marie. Je rêve de nos enfants, de notre vie. Je rêve, elle s'appelle Marie-Véronique. Je rêve, je suis un jeune homme romantique. Moi, le soleil m'invite, mais je ne suis pas pressé. Je cache mon réveil sous l'oreiller. Moi, j'ai les yeux à rire et le cœur en papier. Les filles du monde sont mes fiancées. Je rêve de la rencontre et un matin. Je rêve dans un café ou dans un train. Je rêve, elle s'appelle Marie-Véronique. Je rêve, je suis un jeune homme romantique. Moi, j'habite une maison sur une autre planète. Mes chansons s'envolent par la fenêtre. Je rêve, et c'est demain qu'on se marie. Je rêve de nos enfants, de notre vie. Je rêve, elle s'appelle Marie-Véronique. Je rêve, je suis un jeune.